Yeah, hey, yeah. Mauvaise nouvelle quand t'apprends que j'arrive. Prends pas le mic, pote, prends pas de risque. J'suis tombé dans la drogue comme Obélix est tombé dans la grande marmite. J'suis trop bien sous potion magique, bitch. Après deux verres, ton gros fion s'agite vite. Un billet vert pour un gros sachet de weed. La mort se vend, le bonheur s'achète. J'ai pas les crochets, j'suis le fer de lance. J'verse pas de larmes quand j'verse de l'encre. J'peux pas dire ici ces choses s'attirent. Mais j'ai des choses à faire, j'ai des choses à dire. Alors, j'parlerai ouvertement. Faut ils nous manipulent, ils nous berlent, nous mentent. J'm'en bats les couilles si ça part en couille. J'le dis fuck le gouvernement. Pas les mêmes armes pour un même combat. Pas le même constat sur le thème dont j'parle chaque jour. Bad news, les nouvelles sont bad, les nouvelles font mal. Mais restons calmes, les choses vont changer, c'est qu'une question de time. Yeah. Cœur de pierre du berceau à la pierre tombale. Pour éviter que mon cœur s'emballe. Le veau sert à l'envers et j'ai le cœur qui lâche. À quel moment l'heure de hier se dilate. Trop l'argent n'est rien d'autre que nouvel esclavage. Mauvaise nouvelle, coup de poing d'exclamation. Que Dieu vous guide et que Dieu vous aide. Restez vous-même et restez qui vous êtes. Parfois leur perdre des mauvaises habitudes. Réseaux sociaux, médias vous manipulent. Mauvaise nouvelle. Gardez les yeux ouverts. Hey, Joss. Yeah, hey. Mauvaise nouvelle, les oiseaux viennent de la gauche. Ils retournent leur veste pour des dollars dans les poches. J'ai vu la faucheuse en pleine surface. C'est près du but, impossible qu'elle me fauche. Ou faire du tri dans l'industrie. Un tas de puterie quand ça parle du prix. Ils vont essayer t'endormir si t'es réveillé. Ils bégayent, ils balbutient. Taux d'alcoolémie élevé, sous-élevé. Ils pensent faire mieux, ferait mieux de la fermer. Un petit morveux peut s'énerver. Un petit merdeux sait se démerder. J'suis un pro du style productif, ramène beaucoup de bif ou un gros cul de bitch. J'suis incorruptible, c'est pas dur à voir. Plutôt me couper la main que l'attendre, même sur le fil du rasoir. Pas les mêmes armes pour un même combat. Pas le même constat sur le thème dont j'parle chaque jour. Bad news, les nouvelles sont bad, les nouvelles font mal. Mais restons calmes, les choses vont changer, c'est qu'une question de time. Yeah. Cœur de pierre du berceau à la pierre tombale. Pour éviter que mon cœur s'emballe. Le veau sert à l'envers et j'ai le cœur qui lâche. À quel moment l'arseillère se dilate. Mon argent n'est rien d'autre qu'un nouvel esclavage. Mauvaise nouvelle, coup de poing d'exclamation. Que Dieu vous guide et que Dieu vous aide. Restez vous-même et restez qui vous êtes. Parfois leur perdre des mauvaises habitudes. Réseaux sociaux, médias vous manipulent. Mauvaise nouvelle. Gardez les yeux ouverts. Just fucking man.